bonjour, un grand merci à tous les auditeurs qui sont à l'écoute de Radio Nanart. C'est l'heure du rendez-vous onirique avec Jean-Yves Kemener. Alors, je suis un petit cachotier parce que j'ai dit que j'avais apporté une pierre et une céramique, mais il y a aussi deux articles de presse devant moi. Et un dans Le Monde, dans la page culture, à Londres, le New York déglingué de Basquiat. Et dans Libération, être pierre, ode minérale. Et alors, j'enchaîne avec la sculpture de mon père. Dans un des chapitres de cet article au musée Dzakhin à Paris, ce musée que j'ai pu visiter, il y a un musée dans le centre de la France, musée Dzakhin, et j'ai eu, au cours d'un de mes périples vers le sud, je me suis arrêté dans ce musée, j'ai vu, je crois, des dessins de guerre de Dzakhin magnifiques. C'est dans un petit village complètement paumé, et j'ai vraiment apprécié de voir ce musée. Et donc, dans ce paragraphe, je lis: Picasso aussi ramassait des galets, puis les retaillait, on dirait d'un coup de canif ou deux, comme pour en faire sortir les esprits. Y a-t-il quelqu'un là-dedans? Il y a en tout cas une mémoire. C'est si, voilà. Donc, voilà le coup de le coup qu'a donné mon père avec son petit instrument, son petit burin, pour dire que c'était un homme born. Ben voilà, le raccordement. Bon, c'est relatif, mais et en fait, pourquoi je vais vers l'art contemporain? Il y a une sculpture où mon père a fait un nez, et donc une personne qui est venue voir l'expo dans mon jardin me disait, ben c'est Picasso, ça c'est voilà. Alors il traduisait à sa façon, voilà, une façon autre de traduire son monde. Et un jour, quand je lui dis, papy, que tu me fais une Madone, et puis il me dit, on verra, 2 ans après, eh bien, il faisait une Madone dans une belle pierre, et en fait, il y a les traces, enfin, je trouve, ça me fait penser au travail de Gauguin, mais mon père était autodidacte, donc il faisait à sa façon, c'est cette façon de traduire la pierre, s'il aimait une pierre. Et donc voilà, donc voilà Picasso. Et puis alors l'article sur Basquiat, en fait, il y a une expo à Landerneau là où il y a des tableaux. Alors j'ai dû voir à Avignon dans une fondation, je me rappelle plus le nom de la fondation, mais une grande fondation à Avignon, et j'ai vu les tableaux de Basquiat. Évidemment, il y a un grand collectionneur qui a vraiment une ouverture à l'art contemporain, et c'est intéressant de voir ce travail, l'art contemporain. En fait, je me suis ouvert un peu à d'autres peintures au fil du temps, et donc j'aime bien aider les artistes. En fait, je trouve que c'est important de les aider à des moments, de pouvoir les aider à vivre aussi, parce qu'ils ont besoin aussi que on aide pour leur vie, pour qu'ils gagnent leur croûte, en fait, voilà. Et il y a plein d'artistes partout, dans le moindre coin de France, ça travaille, ça crée. Et ça vaut le coup d'être un peu, même des fois quand on a une gazinière qui est un peu déglinguée, et ben on achète des Ruiles, et puis Ruiles, et qui est à Cherbourg maintenant, Christophe Ruiles, et ben c'est quand même très intéressant d'avoir des œuvres de lui, même si on s'enlise un peu dans les contes, ça vaut le coup d'avoir des œuvres comme ça qui arrivent dans une collection. En fait, le choix d'une collection, c'est étonnant parce que jamais j'aurais pensé que j'aurais pu choisir une œuvre de Loutre, par exemple, à l'Envolon, où la première fois je vois sur l'air des oignons, il est là, je discute avec sa femme, elle me dit ne mettez pas de vitre dessus. Et alors, voilà, c'est une. Alors, j'ai pas osé lui parler parce qu'il était occupé, mais j'ai discuté un petit peu avec sa femme qui me disait mettez-le à l'ombre, ne mettez pas de cache. Voilà, sur cette gravure en bois de poirier, donc une œuvre de Loutre. Et puis, quand on circule comme ça, j'ai vu à Antibes Bissière. Alors, Bissière, voilà, les tableaux de Bissière là-bas, ou Nicolas de Staël, dans ces grands musées, dans le sud, partout, où vraiment les expos m'enchantent sur le fil du temps, en fait. Et donc là, je crois un producteur de cinéma disait, je comprends pas comment, en fait, c'est au fil du temps que l'œil aussi s'affine, en fait, et on choisit autre chose. Et finalement, il faut être curieux du monde et des choses, comme dit Théodore Monod. C'est vrai, si tu cueilles une fleur, tu déranges une étoile, a-t-il dit à Saint-Malo. Eh oui, c'est le bonheur d'entendre Théodore Monod qui nous fait partir dans le désert en trois mots. Et là, Mahaët Chantrel, elle est complètement... ça y est, il est parti dans le désert. Théodore Monod parle. Et j'imaginais que des gens un peu désespérés écoutent cet homme et donnent envie de vivre tout de suite. Comme le père Jaouen, que j'ai vu à Étonnant Voyageur aussi, où je lui ai dit, je connais Corna Gazelle. Et puis, il m'a mis sur la dédicace, je voudrais te voir sur mon bateau. Voilà, le père Jaouen, en fait, voilà, et tous ces rêveurs. Et donc, voilà, je voulais dire que j'avais apporté ces articles, Être pierre, eau de minéral, et puis aussi, Basquiat. En fait, je ne connais pas beaucoup ses œuvres, mais ce parcours de ce jeune qui se donne à fond à New York, et puis, alors les prix s'envolent, évidemment, ça nous dépasse tout ça, le marché de l'art, etc. Mais en même temps, on se régale, nous, de voir tous ces artistes qui nous donnent du bonheur. Et donc, moi, je ne crée pas. Je contemple beaucoup le travail, je rêve beaucoup, mais maintenant je suis curieux de voir et d'être entouré de belles choses. Alors après, dans les musées, on continue le chemin, et là, je pense à Bachelard, Gaston Bachelard, que j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, Bachelard, justement, il voulait être tout le temps dans le monde. Il voulait écouter la vie qui se passe dans le monde, tout le temps l'actualité. Et donc, moi, il m'a fait rêver beaucoup. Donc, l'eau et les rêves, etc., la flamme d'une chandelle, et la philosophie du nom, etc. Donc, Bachelard de Dijon, il avait un bordel monstre sur sa table, mais c'était un grand rêveur et un grand scientifique. Voilà, des gens comme ça nous font partir dans des mondes, et ça vaut le coup de découvrir, voilà. Et je pense à une autre personne qui est importante pour moi, c'est Julien Gracq, en fait, voilà, Le rivage des Sirtes, que j'ai lu deux fois, je voudrais relire des centaines de fois encore sur le temps, ce temps qui cette attente, ce temps, et combien de... Quand je vois la lande, je pense à ses écrits dans les lettrines, etc. Tous ces proses essentielles, ça me parcourt l'esprit tout le temps. Donc, j'ai été imbibé de ces lectures, et puis après aussi de cette collection de peintures qui m'amène aussi à la céramique sur le temps. Donc j'ai un bonheur total de continuer le chemin de la curiosité et j'écris un peu dans le vent. Voilà ce que je voulais vous dire et je remercie toute l'équipe de la radio de m'avoir invité.